Chapitre 2e. Accoudés à une table du café des quatre sergents, Julio et Roméo se taisaient, le nez plongé dans leur verre de bière. Roméo rompit le silence. « Mais dis-moi, docteur, pourquoi tu me racontes tout ça? Tu trouves qu'il ne fait pas assez chaud comme ça ?» Julio regarda son acolyte d'un air navré. « Je vois, d'abord que tu manques totalement d'imagination, et ensuite que tu ne lis pas les journaux. » Roméo prit un air de chien battu, indiquant ainsi son acquiescement total. Son doctami continua. Commençons par la fin. Le 12 juillet 2017, la Posta de Saragossa annonce en page 4 « La police locale enquête sur un vol qualifié effectué dans la cathédrale Saint-Sauveur. On aurait emporté, entre autres objets de culte, un missel du XVIe siècle et le fameux olifant de Gaston de Béarn. L'effraction semble avoir eu lieu il y a plusieurs semaines, de sorte que le cambrioleur a eu tout loisir de quitter le pays avec son butin. L'archevêque de la ville et le sacristain se sont déclarés incapables de donner le moindre détail permettant d'identifier les deux pièces mentionnées ici et invitent la population à prier pour leur restitution, etc., etc. » Et alors ? Alors, il se trouve que le type qui a fait le coup est un bon ami à moi. Maintenant, comme il se trouve dans le besoin, je lui ai proposé mon assistance, ou plutôt notre assistance, pour écouler la cornemuse. Le missel est déjà vendu à un client brésilien qui a quitté Paris il y a déjà 3 mois. Mais pour l'olifant, c'est plus délicat. J'ai besoin de toi, car nous trois, nous ne serons pas de trop. Roméo n'avait pas les capacités intellectuelles permettant la compréhension des paroles subtiles de son maître à penser et à agir. Il lui faisait une entière confiance et accepta sans discuter la remise ultérieure d'un quart des revenus. Julio exposa son plan à son acolyte. L'opération consiste à écouler la clarinette dans un premier temps, puis à la récupérer avec intérêt dans un second. En un troisième temps, nous opérons la liquidation d'un véritable arsenal de brocantes et de vieux mobilier. Une affaire qui ne se rencontre qu'une fois par siècle, mon vieux Roméo. Le vieux Roméo ferma les yeux pour mieux observer le défilé des meubles anciens dans son cerveau mal dépoli. Une question le gênait. Il va y avoir de la casse ? Julio hésita avant de répondre. « On ne fait pas de spaghettis sans moudre le blé,